On a vu des femmes qui pleuraient. Héroïstes. On a vu des hommes qui pleuraient. Héroïstes. Des enfants qui pleuraient. Terroristes. On a vu des enfants qui mouraient. Terroristes. À mon avis, y a comme un problème. À mon avis, y a comme un bug. On a vu les avions s'écraser. Terroristes. On a vu les deux tours s'écrouler. Terroristes. On voit les otages à la télé. Terroristes. Les otages se faire gazer. Terroriste. À mon avis, y a comme un problème. À mon avis, y a comme un bug. On a vu les cars déchiquetés. Terroriste. On a vu les cadavres éventrés. Terroriste. On a vu des mamans justifiées. Terroriste. Que leur fille soit kamikazée. Terroriste. À mon avis, y a comme un problème. À mon avis, y a comme un bug. Ici, on a bouché les poubelles. Terroriste. On veut plus boire l'eau du robinet. Terroriste. Je regarde voler les hirondelles. Terroriste. Je me dis que le fond de l'air est frais. Terroriste. À mon avis, y a comme un problème. À mon avis, y a comme un bug.